sans susur du plat. Je renifle ton odeur, je dégonfle mon cœur du bonheur. Les nuits sans toi sont des désastres, je souffle sur les draps. Les brillances de ton spectre, je fais l'amour en souvenir. Je me perds autour de ton empire. Et je roule dans le lit vide, un nuage dans la nuit livide. Tu me hantes et je déchante quand je sais. Et à chaque fois, le sommeil vient s'abattre comme une pluie de ténèbres sur de sombres champs funèbres. Et je roule dans le lit vide, un nuage dans la nuit livide. Tu me elles n'ont pas de saveur, elles n'ont pas de...